Chapitre 10. Partagé ? Vraiment, ce vieux crocodile en parlait à son aise. La situation telle que Cafier venait de la présenter n'était pas du tout celle qu'il imaginait avant cette consultation. De la loi, il ne savait que ce qu'il en avait appris par expérience. Ainsi, il avait vu que les pères et mères jouissaient des revenus des héritages que faisaient leurs enfants, et il savait même que cela s'appelait l'usufruit légal, ce qui dit tout, établi par la loi. De même, il avait vu aussi que les pères avaient toujours la tutelle de leurs enfants, tutelle légale établie par la loi. Avant tout, il devait se renseigner. Le crocodile n'était pas un homme à qui l'on pouvait se fier, et il n'y avait rien que de vraisemblable à admettre qu'il eût cherché à l'effrayer. Il n'y a pas de question plus délicate que celle qui touche aux enfants naturels. N'essayez pas de les aborder sans un bon guide. Vous vous feriez rouler. C'était peut-être vrai, mais ce qu'il était plus encore, c'était ce qui se cachait sous ses paroles. Il voulait faire payer ses services, le bon guide, et pour cela il exagérait à l'avance les difficultés et les dangers du chemin. Il eut eu quelques louis en poche qu'il se serait adressé à un avocat pour lui demander une consultation. Mais comme les louis manquaient, et aussi les pièces de 5 francs, il n'avait qu'à s'adresser à la loi elle-même. Justement, il venait d'arriver place Louvois, et la bibliothèque était devant lui. Rien de plus simple que d'entrer et de se faire donner un code. C'était la première fois qu'il en ouvrait un, mais cela ne l'embarrassait point. Tous les livres ont une table, il n'avait qu'à chercher au mot « enfant naturel ». Il trouverait là sûrement les indications qui lui étaient nécessaires. Il ne trouva rien du tout, pas même le mot « enfant naturel ». Il était bien question de la présentation des enfants à l'officier de l'état civil, des enfants trouvés, des enfants de troupe, mais c'était tout. Il resta un moment embarrassé. Où diable chercher dans cet énorme volume ? Il réfléchit un moment en feuilletant cette table. Que voulait-il ? Reconnaître sa fille. Le mot « reconnaissance » le mettrait peut-être sur la voie. Reconnaissance d'enfant. Sive, 62-334. Il était sauvé. Mais ces petites phrases courtes, précédées d'un numéro, rédigées en un style simple qui semble la clarté même, ne livrent pas leur secret à une première lecture. Et pour peu qu'on ait quelque intelligence, on sent vaguement qu'à côté de ce qu'elles disent, il y a un tas de choses qu'il faut préalablement savoir pour s'y reconnaître. Plus il lut et relut la section de la reconnaissance des enfants naturels, qui se renferme cependant dans une dizaine d'articles, moins il l'a compris. Il alla au bureau des conservateurs, et aussi poliment qu'il put, il demanda qu'on lui indiquât les meilleurs livres de droit qui traitaient de la question des enfants naturels. « Voulez-vous Dalloz, Laurent, de Montlombe, Bonnier, de Mante, Toulier, Aubry, Hérault ?» répondit le conservateur, habitué à ne s'étonner d'aucune demande du public, même des plus hétéroclites. « Voulez-vous... « Je voudrais celui que vous me conseillerez vous-même. »« Je ne suis pas jurisconsulte, » répondit le conservateur qui était vaudevilliste. « Ni moi non plus. »« Vous étudiez peut-être pour le devenir ?»« Pas précisément. »« Je vais vous faire donner de Montlombe. » Si le code avait été obscur pour Nicétas parce qu'il n'en disait pas assez, de Montlombe le fut parce qu'il en disait trop. Sèche la loi. Diffus, confus le commentaire. Ce n'était pas sa première exaspération contre cette loi barbare qu'il avait fait le misérable qu'il était. Elle l'avait écrasé de tout son poids, paralysé, anéanti. Les autres en avaient tiré contre lui tout le parti qu'il voulait. Et voilà que quand, à son tour, il voulait en tirer parti contre les autres, elle restait muette. Il en était encore à compulser son traité de la paternité et de la filiation quand la bibliothèque ferma, et il se trouvait plus embarrassé, plus perplexe qu'en entrant. Cependant, de tout ce qu'il avait lu se dégageait un fait certain, résultant d'un article de cette odieuse loi. C'est que pour l'enfant dont on recherchait la maternité, on devait prouver qu'il était identiquement le même que celui dont la mère était accouchée et qu'on était reçu à faire cette preuve par témoin que lorsqu'on avait déjà un commencement de preuve par écrit. N'avait-il pas eu une habileté diabolique, ce vieux comte de Chambray, d'enlever sa nièce dans un pays étranger où il était presque impossible de la suivre? S'il parvenait jamais à découvrir l'endroit où elle était accouchée, il semblait que c'était à Crèvecœur qu'il devait tout d'abord le chercher. Il irait donc à Crèvecœur, si faible que lui parussent les chances d'obtenir un résultat. Et comme l'argent qu'il avait en poche ne lui permettait pas de prendre le chemin de fer, il irait à pied. La forêt de Crécy dans l'abri, cela ne devait pas être très loin de Paris. Au temps où il habitait la rue de Savoie, il passait souvent lorsqu'il revenait de la rive droite chez lui, sur le quai Voltaire, et à une boutique de ce quai, il avait vu des cartes étalées qu'il s'était plus d'une fois amusé à regarder. Peut-être le hasard ferait-il, un bienheureux hasard qui ne l'avait jamais gâté, qu'il y aurait une carte en montre sur laquelle il pourrait tracer son itinéraire. Il alla donc quai Voltaire en sortant de la bibliothèque. Mais le hasard sur lequel il avait compté ne lui fut pas favorable. À la vérité, une grande carte de France était accrochée à la devanture de la boutique, mais si haut qu'il lui était impossible de lire le nom des pays au-dessus de la Loire. C'était bien là sa chance habituelle. Cependant, il ne se fâcha pas, mais entrant dans le magasin, il demanda, comme s'il voulait les acheter, les cartes de l'état-major qui comprenaient l'abri, et les étalant les unes à côté des autres, sur une table, d'un coup d'œil rapide, il trouva son chemin à partir de Paris. Puis, le format du collage sur toile ne lui convenant pas pour entrer dans ses poches, il remercia et sortit. Il était fixé. Il quittait Paris par la barrière du trône, traversait le bois de Vincennes, Joinville, Champigny, la queue en Brie, tournant, et il arrivait à Crèvecœur, situé à l'entrée de la forêt de Crécy. En tout, 50 kilomètres environ. Mais ce n'était point une distance pour l'effrayer. Il en avait parcouru de plus longues, sans chemin tracé quand il était officier au Pérou ou gardien de troupeaux au Texas. La vie d'aventurier a au moins cela de bon qu'elle donne de l'initiative à l'esprit et du courage aux jambes. Ce n'était point quand il raclait du violon au conservatoire de Vienne et de Paris qu'il aurait envisagé d'un œil calme 100 kilomètres à faire à pied et 2 ou 3 nuits à coucher à la Belle Étoile. Le lendemain matin à 2 heures, il quittait les hauteurs de Montmartre, encore noir, et descendait dans Paris. Quand il arriva au château d'eau, une lueur blanche éclairait le ciel au bout du boulevard Voltaire. À la barrière du trône, il faisait jour, et sur le cours de Vincennes, il croisait les voitures des paysannes qui, en une longue file, s'en allaient à la halle, laissant derrière elles une bonne odeur de fraises. À Champigny, il acheta une livre de pain, et au haut de la côte, assis dans l'herbe, à l'ombre d'un petit bois, il déjeuna en regardant le panorama de Paris qui, au-delà de la verdure du bois de Vincennes, se perdait dans la brume et la fumée. Oui, le terrain était bon, et s'il l'exploitait adroitement, il en tirerait quelque chose. La moisson ne se ferait pas attendre. Il se remit en route, et sans se presser, mais d'un bon pas régulier, il traversa les plaines monotones de l'abri. À 5 heures du soir, il arrivait à La Houssaye, et peu de temps après, il apercevait un tout petit village qui se détachait sur la masse sombre d'une forêt. C'était Crèvecœur. Alors il s'arrêta. Avec une branche cassée et une poignée d'herbe, il fit la toilette de son pantalon et de ses souliers, couverts d'une épaisse couche de poussière blanche, de façon à ce qu'on ne pût pas le prendre pour un pauvre diable qui arrive à pied de Paris. De la station voisine, c'était admissible, mais de Paris, il n'eût trouvé crédit nulle part. Quand il entra dans le village, son peu d'importance lui donna bon espoir. Il n'était pas possible que dans un pays composé seulement de quelques maisons, où tout le monde devait être ami ou ennemi, on n'eût pas gardé le souvenir, non seulement de Dagomer et de sa famille, mais encore de ce qui les touchait. En route, il avait bâti son plan, qui était très simple. Il recherchait des renseignements sur une petite fille, mise en nourrice chez Dagomer 10 ou 11 ans auparavant. Cette petite fille venait de faire un gros héritage, et l'on paierait une forte prime à celui qui procurerait ces renseignements aussitôt qu'ils auraient été reconnus bons. Ce fut ce qu'il expliqua au secrétaire de la mairie, un vieil instituteur en retraite qui, n'ayant jamais quitté Crèvecœur, devait se rappeler Dagomer. S'il se rappelait Dagomer, bien sûr qu'il se le rappelait. Un brave garçon, peut-être un peu dur aux braconniers, mais il était payé pour ça. Et puis les braconniers n'étaient vraiment pas raisonnables non plus, jamais satisfaits. Seulement quant à se rappeler un nourrisson qu'on aurait mis chez les Dagomer, c'était impossible, par cette raison que les Dagomer n'avaient jamais eu de nourrisson. Pourtant, ils étaient arrivés à Chambray avec une petite fille âgée maintenant de plus de 11 ans, et comme ils avaient quitté Crèvecœur depuis 10 ans, à l'époque de leur départ, cet enfant avait plus d'un an. Tout fut inutile. Insistance, raisonnement. Le vieil instituteur ne pouvait pas se rappeler ce nourrisson, puisque les Dagomères n'en avaient jamais eu. Tout crève-cœur le dirait comme lui. Alors il fallut bien que Nicétas admît ce qui lui était venu plus d'une fois à l'esprit, sans qu'il voulût l'accepter. Né à l'étranger, Claude avait été ramené en France au moment même où Dagomère était venu habiter Chambray, et personne, à l'exception de Ghislaine, ne devait connaître le lieu de naissance de l'enfant. La déception fut rude, mais il n'était point dans son caractère de s'abandonner. Il fallait réfléchir. En venant, il avait vu une prairie où l'on mettait du foin en meule. Il serait bien là pour passer la nuit, en se faisant un lit dans le foin chaud, quand les paysans auraient quitté les champs. Il y dormit en effet d'un bon sommeil jusqu'au lendemain matin, et au soleil levant, il reprit le chemin de Paris. Ce n'était pas lui qui le voulait, c'était la fatalité. Puisqu'il ne lui restait que ce moyen, il fallait bien qu'il le subît. Tant pis pour Ghislaine s'il le lui faisait au salé, comme disait Cafier. Il était là en montant à 10 heures du soir les 6 étages de son ami d'antan, et cependant il n'attendit pas au lendemain pour la lettre qu'il avait préparée. « Madame, je rentre en France et trouve ma fille, qui est aussi la vôtre, installée chez un garde, au lieu d'occuper auprès de sa mère la place à laquelle elle a droit. Je ne puis tolérer cela, et mon devoir est de prendre sa défense. Je vous attendrai après-demain, à 3 heures, aux abords de la Mare aux Joncs. S'il vous était impossible de vous y trouver, je me présenterais au château. Nicétas. » Il redescendit l'escalier dont les marches étaient terriblement dures pour ses genoux et jeta sa lettre dans la boîte d'un débit de tabac.